avec l'ami Bébert qui a perdu son chat. On a donné de l'amour dans toutes les SPA. Un CRS à bois pris un gilet jaune. Et les femmes en ont marre qu'on les prenne pour des connes. Un grand mec à moustache me traite de PD. Je lui réponds je t'aime, je lui envoie un baiser. Un président ricain chez le guignol Macron. La France elle vend des armes aux dictateurs bouffons. Plus on connaît les gens, et plus on aime les chiens. Plus on connaît les gens, et plus on aime les chiens. Un curé pédophile est une ordure sans nom. Un pape au Vatican nous prend tous pour des cons. J'ai rencontré Jésus à l'heure de l'apéro. Il m'a dit tout doucement qu'il était un escroc. Tous les fachos arrivent, maréchal, les voilà. La République est morte, Macron sent le caca. J'écoute du Vivaldi sur la chaîne à Mémé. Les gens n'ont pas le moral, les flics vont les flinguer. Plus on connaît les gens, et plus on aime les chiens. Plus on connaît les gens, et plus on aime les chiens. Télévisionne sur ton écran plasma. Dans ton cerveau malade, tu te fais ton cinéma. Tous les invertébrés grattent leur ticket perdant. À la française des bœufs, on encaisse en riant. Les quartiers sont sensibles, la misère à la côte. On donne du grain au poulet, on enlève les crottes. On rate sur les dollars, le malheur se vend bien. Les gosses du tiers-monde fabriquent ton look Tintin. Plus on connaît les gens, et plus on aime les chiens. Plus on connaît les gens, et plus on aime les chiens.